Bonjour et bienvenue dans la rediffusion audio de l'émission Autonomie, l'actu de la recherche, réalisée et produite par l'équipe d'animation du programme prioritaire de recherche Autonomie. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter est l'enregistrement d'un direct qui a eu lieu sur YouTube. Vous trouverez dans la description de cet épisode toutes les informations sur ce format, ainsi que des ressources complémentaires. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour en apprendre plus sur nos activités et découvrir encore davantage la recherche sur l'autonomie. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Autonomie, l'actu de la recherche, produite et réalisée par l'équipe d'animation scientifique du PPR Autonomie piloté par le CNRS. Je suis Maria Saf, responsable de l'animation scientifique et je serai votre hôte ce soir, accompagnée par notre régisseur Marcel Duchemin qui s'assurera que tout se passe bien du côté de la technique. Et côté interprétariat LSF, nous avons avec nous les équipes de SILS, Christine et Johan. Et comme pour la dernière émission, le sous-titrage sera retravaillé en post-production pour permettre une meilleure accessibilité de notre contenu. J'ajoute que les magnifiques habillages que vous voyez dans ces émissions ont été créés par Jojo de Bleu Renard Studio. Quant à vous, spectatrices et spectateurs, vous êtes avec nous par le chat et en commentaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions et à discuter. La première partie de cette émission sera consacrée à la présentation du livre « Jusqu'au bout, vieillir et résister dans le monde ouvrier » du sociologue Nicolas Arenaï. J'ai l'ouvrage, donc je vous montre. Voilà. Et la seconde partie de l'émission prendra davantage la forme d'une table ronde et nous accueillerons ce soir Julie Landau et Gilles Zutmont. J'espère avoir bien prononcé le nom. Julie Landau est maîtresse de conférence en sociologie à l'Université Paris-Dauphine et ses travaux s'intéressent au monde du travail et son croisement avec les dynamiques de genre. Et elle nous rejoint depuis le Québec où elle conduit actuellement une recherche sur le sujet de la retraite. Et donc Gilles Zutmont, qui est ancien donc, conducteur de métro à la RATP, qui est engagé dans le syndicalisme à la CFDT, où il a exercé des responsabilités locales, notamment comme conseiller prud'homal, juriste et secrétaire de l'Union des retraités du Jura, de la CFDT. Et spécialiste du droit social, il a aussi œuvré dans l'insertion, la formation et préside aujourd'hui Kéops, c'est Kéops, Kéops, j'ai envie de dire Kéops, BFC, qui regroupe les Cap Emploi pardon, de la région Bourgogne-Franche-Comté. Marcel, est-ce que tu peux faire rentrer Nicolas, s'il te plaît? Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marie. Je suis ravie de te recevoir pour parler donc de Jusqu'au bout, vieillir et résister dans le monde ouvrier, publié en 2024 aux éditions de La Découverte. Avant de commencer, je propose de revenir sur ton parcours et je te laisserai compléter s'il manque quelque chose. Nicolas, tu es directeur de recherche en sociologie à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE. Dans tes travaux, tu t'es penché sur les liens entre monde ruraux et ouvriers et les rapports sociaux qui les traversent. Tu as publié et dirigé plusieurs ouvrages en ce sens, dont « Les gars du coin, enquête sur une jeunesse rurale », publié également à La Découverte en 2005, et l'ouvrage collectif « Sociologie des classes populaires contemporaines », publié chez Armand Collin en 2015, et encore un peu plus récemment « Monde ruraux et classes sociales », à nouveau un ouvrage collectif publié aux éditions de l'EHESS en 2018. Dans vieillir, dans jusqu'au bout, vieillir et résister dans le monde ouvrier, tu t'intéresses à la continuité de l'engagement militant dans le monde ouvrier, démontrant un intérêt pour le vieillissement. Tu peux nous apporter quelques informations supplémentaires si tu le souhaites avant que je passe à une présentation un peu plus détaillée du livre. C'est bon. Merci Marie. Non, merci pour l'invitation et la discussion aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à toi d'avoir accepté. Donc, à tes côtés, on suit la vie de Bruno, Christian, Clairette, Christiane et Viviane, des ouvriers à la retraite de l'usine Peugeot de Sochaux. Ils y ont partagé une vie de labeur, mais aussi de militantisme, un militantisme qu'ils cherchent à perpétuer donc jusqu'au bout de leur vie. Ce groupe de militants acharnés apprend à vieillir ensemble, c'est-à-dire à faire face aux problèmes de santé, aux situations de veuvage. Et l'ouvrage met en lumière les diverses formes de solidarité qu'ils développent. Qui se retrouvent les uns chez les autres, se soutiennent lors des enterrements, mettent en place des résistances locales au capitalisme par des pratiques sur lesquelles nous reviendrons, comme l'affouage ou la pinaille, que j'ai pu découvrir dans le cadre de ton ouvrage. Bref, loin d'être inactifs ou passifs, comme on les représente traditionnellement, ils cherchent à maintenir en vie une sociabilité propre à un milieu bien souvent encore invisibilisé. L'âge de la retraite, pardon, leur permet aussi de prendre du recul sur leur parcours de vie respectif. Et l'ouvrage invite alors à interroger cette condition ouvrière à l'aune des rapports de classe, de genre, mais aussi de génération, puisque d'autres ouvriers sont venus les remplacer à l'usine. Alors, nous allons maintenant présenter ton travail un peu plus précisément, afin qu'on puisse bien comprendre le contexte dans lequel tu l'as construit, les questions et les méthodes qui t'ont guidé, la littérature scientifique qui t'a accompagné, et les conclusions auxquelles tu es arrivé. Donc, je vais te poser quelques questions et j'invite les spectateurs et spectatrices à poser les leurs si elles le souhaitent. Alors, la première question que j'aimerais te poser, c'est celle de l'origine de ton terrain d'enquête. Alors, je l'ai précisé en introduction, mais il se déroule à Sochaux, sur le site de l'usine Peugeot, et tu n'es pas le premier sociologue, Nicolas, à être parti à la rencontre de ces ouvriers. Michel Pialoux et Stéphane Beau t'ont précédé dans les années 80 et tu t'y fais référence dans l'ouvrage. Est-ce que tu peux revenir sur cette histoire, cette enquête sociologique en héritage, en quelque sorte, et ton choix de perpétuer ce terrain plutôt qu'un autre, notamment pour les spectateurs qui ne sont peut-être pas familiers de l'enquête de Pialoux et Beau? Alors, la première chose, je vais pas parler beaucoup de moi, mais il y a un point qui est essentiel, qui est que j'ai soutenu ma maîtrise d'anthropologie sociale sous la direction de Michel Pialoux au début des années 90, et que je suis toujours resté en contact avec lui. Et en fait, au départ, c'était pas du tout prévu cette enquête. Quand il me met en contact avec Christian Corouge à l'été 2019, c'est parce que je veux enquêter sur les affouages dont on reparlera plus tard, je pense, qui est cette pratique d'aller couper son bois dans les forêts d'une commune qui possède des forêts. Et en fait, déjà, rien que point de départ, je découvre une version d'un personnage central de la classe ouvrière française des années 70-80, Christian Corouge, qui est le personnage à côté, c'est-à-dire Corouge a beaucoup été décrit, analysé, il a publié avec Michel Pialoux, notamment l'ouvrage Résister à la chaîne, toujours autour d'un centrement sur l'usine, le travail en chaîne, le travail à l'usine, le travail d'OS, d'ouvrier spécialisé, donc non qualifié ou déqualifié. Voilà. Et puis l'autre point biographique important, c'est qu'en fait, en amont de Michel Pialoux puis de Stéphane Beau, il y a une sociologue qui est très importante, c'est Francine Muel-Dreyfus, qui est la femme du technicien du cinéma devenu cinéaste Bruno Muel. Et en fait, cette rencontre, elle se fait au tout début des années 70, quand les groupes Medvedkine, donc un groupe de cinéma militant, pour le dire simplement, qui avait commencé à filmer les usines de la Rodia-Seta en grève en 67 à Besançon, viennent à Sochaux-Montbéliard pour prolonger les films qui ont été faits, les 7 ou 8 films qui ont été faits à Besançon. Et en fait, Francine Muel-Dreyfus a un rôle essentiel. Elle accompagne son mari de temps en temps, notamment à Claire-Moulin, qui est le centre, le lieu qu'a acheté le comité d'entreprise entre Dijon et Besançon quand la CGT était majoritaire au CE. Donc elle rencontre régulièrement Francine rencontre régulièrement les ouvriers et Christian Corouge dit que très souvent qu'en fait Francine a été centrale pour lui parce qu'elle lui a appris à lire, enfin à relire, à lire autrement. Et notamment, et elle a aussi bousculé, enfin elle et les ouvriers qui fréquentaient ces lieux culturels à l'époque, notamment sur le côté phallocratique du monde ouvrier. On pourrait revenir sur les questions de féminisme. Voilà. Et en fait, je me retrouve pour enquêter sur les forêts et je suis accueilli chez Christian Corrouge. Je dors dans la chambre de son fils et je l'accompagne. Donc la première fois à la chorale des retraités CGT où ils apprennent des chants militants, puis dans les manifs, à l'époque déjà contre la réforme des retraites du gouvernement d'Édouard Philippe. Dès 2019, quand je commence l'hiver 2019, quand je commence l'enquête. Et en fait, ce que j'ai sous les yeux m'est berlu, pour le dire simplement, quoi. C'est-à-dire que là, c'est pas une réaction simplement de sociologue. Je suis sidéré par la vivacité de ce groupe militant. Voilà. Alors, en même temps, j'aurais dû m'y attendre. C'est-à-dire arriver dans ce qui fut la plus grande usine de France, être hébergé chez quelqu'un qui est considéré comme un working class hero, qui a porté haut le combat du monde ouvrier et principalement de ses fractions les plus déqualifiées. J'aurais un peu dû m'y attendre. Et donc c'est là en fait que je... Donc simplement pour dire, en fait, donc je me retrouve sur un terrain déjà très labouré, puisqu'il y a plusieurs générations de sociologues qui sont passées là avant moi. Je suis hébergé. Lors de mes séjours sur le terrain chez Christian Corrouge, qui a déjà beaucoup hébergé d'autres sociologues avant moi et qui continue de le faire d'ailleurs, l'histoire continue. Mais ce qui se passe en fait, c'est que comme l'enquête se passe, l'enquête que je commence sur les usages sociaux des forêts se passe au moment des réformes des retraites et que je vois un groupe très actif, notamment dans la lutte contre ces réformes des retraites, en fait, je change d'objet et c'est tout ce qu'offre la méthode ethnographique, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un raisonnement, de faire des enquêtes de terrain à partir d'un raisonnement fait dans un bureau et d'avoir un raisonnement qu'on dit hypothético-déductif, je ne vais pas vérifier des choses que j'ai supputées de manière théorique. Je suis, comme tout ethnographe, dans une logique inductive où j'essaie d'être à l'écoute de ce que le groupe a à me dire au moment où je suis là. Et en fait, je me rends compte, en commençant à lire sur les questions de retraite, de vieillissement dans le contexte politique de l'époque, que j'ai devant moi la possibilité d'ouvrir la boîte, de réouvrir la boîte noire de la condition ouvrière, mais à la retraite. Donc ouvrir la boîte noire de la condition ouvrière, c'est ce qu'avait fait Bouet Pialoux dans Retour sur la condition ouvrière, après d'autres. Mais du coup, j'ai l'impression à ce moment-là de voir la face visible d'un énorme iceberg que sont les retraites populaires. Donc de cette moitié de la population que constituent les anciens ouvriers et les anciens employés, pour parler en termes de représentation numérique de ce que ça représente, quoi. Et cette population ouvrière que j'ai sous les yeux, le gros avantage, c'est qu'elle parle. Elles disent les choses, elles revendiquent, et quelque part, l'ouvrage, enfin l'enquête, je suis la caisse de résonance de ce qu'ils ont à dire. Alors, pas seulement en termes militants et syndicaux, on y reviendra, mais au-delà, voilà. Et par contre, pour finir sur la question par rapport au lien avec Pialoux, c'est que la grande opportunité que j'ai aussi, c'est d'une part d'aller régulièrement chez Michel Pialoux en région parisienne, et donc d'échanger avec lui sur mon enquête, sur les personnes qu'il avait déjà vues, et bah, tous les enquêtés que j'ai rencontrés, il les connaissait, et d'autre part, d'accéder à ses archives. Et ça, c'est une possibilité très riche que j'ai utilisée. Je te remercie. Comme tu l'as dit, l'ouvrage adopte une démarche ethnographique et met en lumière donc des parcours de vie d'ouvrières et d'ouvriers désormais à la retraite. J'ai envie de te demander donc qui sont ces individus, même si tu as commencé un peu à répondre en nous présentant l'origine de cette enquête. Qu'est-ce qui caractérise selon toi ces parcours et leur appartenance au groupe? Est-ce que certaines ou certains connaissent des ruptures biographiques plus intenses qui viennent remettre en question leur engagement possible dans le groupe global? Voilà, en fait, qui sont Christian, Bruno, Clairette et les autres? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, déjà, c'est que ce sont celles et ceux qui restent, puisqu'on le sait, Les inégalités sociales de santé et face à la mort font que ce sont les classes populaires qui sont les plus touchées, particulièrement celles de ceux qui ont travaillé en usine. Donc il y a eu beaucoup de décès, de personnes. Il y a des décès au cours de l'enquête. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont migré, qui ont quitté la région en même temps qu'ils sont ou qu'elles sont entrées en retraite. Mais il y a un point qui est essentiel, c'est que à partir du, enfin, c'est en termes générationnels, c'est-à-dire que ce sont des anciens et des anciennes 68ardes. Ce sont des gens qui sont entrés sur le marché du travail usinier. Alors, je prends ce Chopojo parce que c'est l'enquête, mais en gros, c'est là qu'il y a un appel d'air énorme en termes d'accès au marché du travail pour les populations étrangères, pour les populations peu qualifiées de l'ensemble de la France, mais aussi pour les femmes, les jeunes femmes originaires des environs. Et je dis que je la qualifie de contre-élite ouvrière parce qu'en fait, leurs pratiques sont très orientées autour de la culture dès leur arrivée. Donc ça va être les groupes Medvedkine que j'ai déjà évoqués, donc cette expérience de cinéma militant où les ouvriers ne sont pas que l'objet de la caméra, mais aussi sont aussi des actrices, des acteurs. Qui apprennent à faire des films, qui apprennent à monter des scènes, etc. Et donc cet accès à la culture, il est central. Après, il y a encore un autre élément qui est que le groupe en particulier, donc Christian, Bruno, etc., Clairette, c'est un groupe qui s'est soudé au moment de la grande grève de 1989. Donc c'est une grève singulière puisqu'elle commence à Mulhouse, elle continue à Sochaux-Montbéliard une semaine après. Elle va durer 6 à 7 semaines. C'est un moment très important pour les ouvriers, les ouvrières de Peugeot Sochaux, mais au-delà, ils vont avoir des gains liés à leurs revendications qui vont essaimer sur l'ensemble du groupe. Et puis, par ailleurs, c'est un moment très important aussi en termes politiques. On peut dire, il y a Hubert Trüxler, Bébert, a écrit une espèce de chronique de la grève de 89 dans l'ouvrage Grain de sable sous le capot, où il parle de la der des der. Et en fait, ce mot, la der des der, cette grève, c'est parce que il y a eu une première, enfin, il y a eu une grève importante en 81, une grève d'OS qui a été une grève perdue. Où les ouvriers, ouvrières qui ont manifesté ont tout perdu en termes de revendications, mais aussi en termes de retour de bâton, en termes de management dans l'usine. Et donc, il y a une période, les années 80 ont été très dures, c'est d'ailleurs au centre du propos de Pierre Louébeau. Et cette grève de 89, quelque part, c'est le dernier moment historique en France où la condition ouvrière est centrale dans l'espace public. C'est-à-dire que c'est cette grève qui fait que il y a beaucoup de soutien à la grève, notamment dans les médias locaux nationaux, parce que il y a beaucoup aussi de journalistes qui sont eux-mêmes des militantes, des militants, et puis parce que tout simplement dans l'espace politique, la condition ouvrière, elle compte. Les élus de l'époque sont des figures importantes, incontournables. Et après, ça va être la grande décrépitude de cette représentation du monde ouvrier. Après, d'un point de vue beaucoup plus pragmatique au présent, qui sont qui est la bande de 89, puisque elle est dénommée comme ça localement. La bande de 89, elle a une disponibilité biographique. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que ce sont soit des célibataires, soit des veufs, des veuves, soit des divorcés, soit des gens qui ont beaucoup de disponibilité dans leur couple, dans la manière, le côté 68 heures, qu'on est indépendant l'un de l'autre. Et donc, du coup, ils sont disponibles au militantisme pour des questions biographiques, au contraire d'autres dont on parlera plus tard, je pense, qui eux sont toujours très engagés en couple, qui ont d'autres logiques d'appartenance. Alors après, il y a aussi des désengagements, bien sûr. Moi, je vois un groupe, quand je parle de 89, c'est aussi, enfin, c'est intentionnel aussi par rapport à la configuration que je trouve quand j'arrive en 2019. C'est-à-dire que c'est Bruno Le Maire qui pilote la section des retraités CGT, et c'est le grand vainqueur de la grève de 89 au sein du syndicat. Comme dans beaucoup de syndicats et comme dans toutes les luttes, il y a des problèmes de désaccords politiques, il y a des problèmes de caisse, les accusations d'avoir piqué dans la caisse, etc. Il y a dans toute cette génération, en plus, j'ai évoqué 68, mais dans toutes ces générations, le rapport au Parti communiste français est central. Et donc, il y a ceux qui sont plutôt toujours au PC, il y a ceux qui sont en dehors du PC, qui ont été mis dehors du PC, comme l'a été Christian Corrouge en 74. Il y a ceux qui sont plutôt à lutte ouvrière, il y a ceux qui sont dans les marges, qui sont plutôt, j'aime pas trop le terme, mais des suiveurs, quoi, c'est-à-dire qui sont pas engagés directement politiquement. Mais donc voilà, il y a cet ensemble d'éléments, la génération, tant en termes de main-d'œuvre que de génération 68, de 68 et d'accès à la culture, la disponibilité biographique. Et aussi le fait que c'est le groupe qui est soudé aussi par rapport aux autres parce que ce sont les vainqueurs en interne de la grève de 89. Je te remercie pour ces différents éléments qui permettent de resituer cette bande, hein, comme tu dis, comme on l'appelle sur place. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que donc au sein de cette bande de 89, il y a un personnage qui se détache, celui de Christian Rouge que tu as déjà évoqué. Et on voit émerger un peu comme une forme de quasi co-construction de l'enquête à ses côtés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce cadre méthodologique que moi je trouve très intéressant et qui rend l'ouvrage aussi très vivant? Oui, alors c'est une question essentielle, effectivement. L'enquête a bien été co-construite, puisque quand j'ai, au bout de 6 mois d'enquête, de présence sur place, quand j'ai l'idée de changer la focale de l'enquête en m'intéressant au vieillissement et à la vivacité du groupe plutôt qu'à la forêt, évidemment, j'en parle tout de suite à Christian, et il en voit tout de suite l'intérêt. C'est ça qui est important. Et donc l'enquête a bien été co-construite. Il me facilite énormément l'enquête. Sans lui, elle n'aurait sans doute pas été possible, ou du moins, elle n'aurait pas été la même. Par exemple, je n'aurais jamais enregistré des scènes collectives sans qu'il m'y invite. À un moment donné, c'est dans l'intro du bouquin, je raconte qu'on passe simplement à l'union locale. Enfin, on a prévu de passer à l'union locale comme il le fait plusieurs fois par semaine. On n'a pas d'entretien de prévu, on va juste prendre des nouvelles des copains. Enfin, je le suis, voilà. Et il se retourne vers moi au moment de partir, il me dit, t'as pas oublié ton magnéto? T'as bien pris ton magnéto? Voilà. Pour dire à quel point il est impliqué là-dedans. Alors lui, bien évidemment, ses motivations sont pas forcément les mêmes que moi. Lui, il a l'envie de transmettre, mais il a surtout l'assurance du militant qui veut, pour lui, le fait que j'enquête sur la condition ouvrière retraitée, c'est une arme dans la lutte syndicale contre la réforme des retraites, par exemple. Mais son assurance de militant et ma curiosité de sociologue empiriste vont se rencontrer. Et en fait, il y a de nombreux points de jonction entre ces deux démarches, autour principalement de la volonté de décrire, d'analyser un monde qui est parlé plutôt qu'il ne parle lui-même, quoi. C'est-à-dire que j'ai dit ce que c'était que la singularité de Corrouge. Du fait que ce soit un militant très connu qui intervient dans nombreux documentaires, etc., qu'on voit régulièrement à la télé. Voilà, c'est cette capacité à parler qui fait que il a conscience, il est réflexif, il a conscience de sa singularité, mais du coup aussi d'aller interviewer bah, notamment les femmes, hein, qui parlent peu, y compris dans les réunions de section. Voilà. Et puis c'est aussi une co-construction qui est à la fois intellectuelle et empirique de terrain. C'est-à-dire que intellectuel, dans le sens, évidemment, on parle beaucoup entre nous quand je suis chez lui. C'est pour ça que je le définis comme un allié d'enquête. C'est quelqu'un qui lit beaucoup et qui lit beaucoup d'histoire et de sociologie. Et donc, il va me faire découvrir des ouvrages. Par exemple, le travail de Raphaël Branche, Papa, qu'as-tu fait en Algérie, sur la transmission du traumatisme de l'Algérie, c'est lui qui me le prête, qui me le fait découvrir et qui me le prête. Et puis, donc ça, c'est du côté théorique, on pourrait dire, enfin de construction intellectuelle de l'ouvrage, mais aussi concrètement, c'est lui qui prend les rendez-vous, qui est présent à chaque entretien. Et un certain nombre d'entretiens ont lieu chez lui, c'est le point de ralliement. Voilà. Alors, évidemment, d'un point de vue de méthode, là, je me suis retrouvé confronté, pour être complètement franc par rapport à ta question, Marie, je me suis retrouvé à un moment donné par rapport à un problème, c'est-à-dire que j'avais un enquêté principal qui était omniprésent. Et par exemple, quand on apprend le métier de sociologue et d'ethnographe, une des grandes vertus, c'est d'apprendre à se taire. Et Christian ne se tait jamais. Il a tout le temps, il a tout le temps envie de parler. Et donc, dès qu'il y a un silence, les silences, pour nous, sociologues de terrain, c'est un ressort, parce que c'est le moment où les personnes que l'on a en face de nous, surtout quand elles ont peu de capital culturel, vont reformuler les questions, repenser à des choses. Il ne faut pas être gêné par les silences, en fait, c'est ce qu'on apprend aux étudiants. Et en fait, lui, il ne laisse jamais le silence s'installer. Et en fait, je vais petit à petit apprendre à me couler dans le cadre qu'il m'offre. Parce que lui aussi a sa manière de faire parler les gens, et ça va être par la provocation, enfin la provocation, c'est pas la provocation intentionnelle, mais c'est la provocation parce qu'il se met en scène, il va raconter son expérience propre pour faire parler la personne, donc c'est une découverte d'une autre manière de fonctionner. Et puis, après, par contre, il y a aussi dans le travail d'analyse et l'écriture, il y a eu un travail fait avec l'éditeur pour arriver à ce qu'il ait une juste place. C'est pas résister à la chaîne, quoi. C'est pas ce que l'ouvrage qu'il a co-signé avec. C'est pas un ouvrage de dialogue. Il y a une enquête avec pas mal d'enquêtés, des observations, etc. Donc toute la voilà, il fallait trouver où mettre le curseur pour rendre compte de ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est une enquête co-construite. Il est là. Ça fait partie du ressort narratif de l'ouvrage. Et en même temps, il ne faut pas qu'il soit omniprésent. Donc, il y a des chapitres où il est plus présent que d'autres. Mais en tout cas, voilà, il est complètement omniprésent. Donc, il y a à la fois, pour conclure sur cette question, une irrigation entre nous de la littérature en sciences sociales, de tout ce qui s'écrit, je lui fais part de mes lectures, parce que je découvre aussi toute cette bibliographie sur le vieillissement, sur une partie de la sociologie du militantisme aussi. Et en même temps, pour réévoquer Michel Pialoux, la singularité de Carouge l'a aussi beaucoup taraudé, Michel Pialoux. C'est quelque chose qui, par exemple, le fameux article de Michel Pialoux, Alcool et politique dans l'atelier, c'est un article qui est, alors c'est peu visible dans l'article, mais en fait, les entretiens avec Carouge sont essentiels. Michel n'a été qu'une fois dans l'usine, c'est pendant la grève de 89. Par contre, Carouge lui raconte l'usine. Il n'arrête pas de le faire. Certes, d'un point de vue situé, mais du coup, ce qui est important, c'est Michel, en fait, a réalisé pas mal d'entretiens avec des alliés ou des... Ou des pas des ennemis, mais des personnes d'autres syndicats, IFO, CFDT, etc., où il l'a fait par les personnes de Carouge. Pour avoir... Et moi, dans les temps morts de l'enquête, quand Christian, par exemple, il y a un entretien qui se passe chez lui... Et à un moment donné, il va bricoler avec ses copains mécanos. Et donc là, j'ai même pas besoin de poser la question. En fait, Françoise, l'enquêtée en question, se met spontanément à parler de Christian. Il y a ce besoin de parler de lui parce qu'il a une telle figure. Voilà. Mais en tout cas, c'est une expérience ethnographique très intéressante que j'ai vécue là. Oui, non, mais j'imagine, et nous, on a à cœur de parler des sujets qui nous intéressent, donc dans le cadre de notre programme, à savoir le vieillissement et le handicap, mais c'est toujours intéressant aussi de donner à voir comment se fait la recherche et comment elle peut se faire autrement. Et là, tu as parlé aussi de, je trouve que tu as raison, donc tu as une démarche pédagogique de rappeler aux étudiants les silences, c'est important. Voilà, moi, c'est ce qu'on m'a enseigné aussi en ethno, donc je le sais très bien. Et donc là, avoir cette figure comme ça, pas omnipotente, mais omniprésente, je pense que c'est aussi intéressant de réfléchir à ça et de réfléchir au cadre de la co-construction de la recherche qui nous tient aussi à cœur au PPR. On va s'orienter un peu plus vers des questions d'axes problématiques qui traversent ton ouvrage. Donc, ces ouvriers désormais à la retraite continuent d'entretenir des activités militantes en se mobilisant dans le cadre de manifestations nationales, et tu l'as évoqué avec par exemple la réforme des retraites de 2023, mais aussi à des échelles plus locales et puis même individuelles. Donc, l'ouvrage raconte ainsi la construction d'un groupe de solidarité, parfois nécessaire pour faire face aux problèmes de santé de certains, où l'entraide occupe une place centrale. Donc, comment s'est effectué ce déplacement ou ce renouvellement de la sociabilité et de la solidarité militante vers une solidarité que l'on peut qualifier du soin à l'autre, donc du care en anglais, dans l'avancement en âge? Alors, le premier élément de réponse, c'est déjà de prendre au sérieux le mot retraite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est plus salarié d'une entreprise, déjà, enfin Gilles pourra compléter et voire me contredire, mais on se sent minorisé. Si on reste dans le syndicat des actifs, très vite, on comprend ou on nous fait comprendre que on n'est plus au courant en fait des logiques de la boîte, de ce qui se passe en ce moment, sur le coup, etc. Donc, par contre. Quand on continue à militer, on a une disponibilité pour d'autres luttes, pour d'autres formes de lutte et d'autres engagements. Et donc là, ça va être accompagner les jeunes du syndicat, bien sûr, parce que le contexte de la section CGT, enfin de la CGT à Peugeot Sochaux, fait qu'il y a un gros besoin de renouvellement par rapport à une usine qui s'est énormément amoindrie. En termes d'effectifs et bon bref les conditions de travail ont beaucoup changé, mais du coup ce sont aussi des engagements pour la Palestine en ce moment, pour la par exemple il y a une grosse mobilisation l'an dernier en 2024 pour la journée du droit des femmes, avec une expo sur les femmes inconnues etc. de la région ou d'ailleurs. Il y a beaucoup de liens qui se nouent du coup avec des retraités de la fonction publique territoriale ou éducative, enfin beaucoup d'anciennes enseignantes, institutrices. Donc voilà, il y a un renouvellement partiel de la sociabilité parce que ils sont disponibles à d'autres luttes, à d'autres formes de lutte. Mais l'entraide, en fait, que tu as évoqué, ce soin aux autres. C'est plus un déplacement qu'un renouvellement. C'est-à-dire qu'elle ne se crée pas à ce moment-là. En fait, cette entraide, c'est le prolongement de liens militants antérieurs. C'est quelque chose qui était déjà en place. Il y a la solidarité qu'on peut qualifier de. Alors là, je reprends Robert Castel, mais la solidarité secondaire, pour schématiser, c'est la solidarité politique que l'on a, par exemple, avec la cause palestinienne, par exemple, avec les migrants, etc. Ou avant, ou toujours aujourd'hui, avec les ouvriers, les ouvrières de l'usine. Mais il y a aussi une solidarité primaire qui était déjà en place. En fait, quand Corrouge, avec sa femme, quitte la cité et achète un bout de ferme qui retape. Dès que la maison est habitable, Corrouge refait un petit appentis qui est à côté et enfin un garage. Pourquoi? Parce que, je cite, on laisse pas les copains dans la merde. Il n'y a pas de raison que, aujourd'hui, les copines retraitées aillent chez le concessionnaire alors qu'on est là. Elles vont quand même pas payer un concessionnaire. Voilà. C'est cette logique-là où on prolonge les liens militants antérieurs. Donc c'est bien un renouvellement qui est aussi un déplacement, puisque du coup il y a plus ce combat de ce combat syndical dans l'entreprise. Un autre point important, c'est que la socialisation continue. Les sociologues de la socialisation ont beaucoup bossé évidemment sur l'enfance et la jeunesse. On a aussi vu plus tard qu'il y avait des socialisations inverses, que les enfants peuvent influencer leurs parents, etc. Mais les sociologues de la socialisation se sont peu intéressés en fait aux retraités et c'était ma surprise quand j'étais au congrès de l'AFS, l'Association française de sociologie, il y a 2 ans à Lyon, puis il y a le congrès dans 2 mois maintenant à Toulouse. Voilà, ça continue. Alors je peux prendre juste un exemple pour illustrer ce point. C'est que j'ai dit plus avant que les militantes, les militants avaient une disponibilité biographique qui expliquait en partie leur engagement. Le revers de cette disponibilité, c'est le risque d'isolement, qui va s'accroître avec l'âge et bien sûr particulièrement en milieu populaire. Mais donc je peux prendre l'exemple de Viviane, qui est une enquêtée qui est aujourd'hui quasiment aveugle. Et elle, en fait, elle a subi un glaucome mal soigné par son ophtalmo à Montbéliard. Alors ça, c'est lié, bien sûr, je ne vais pas développer là-dessus, mais sur les défaillances des services publics de santé. Et en fait, Viviane, quand elle commence à avoir ses problèmes, elle a un gros capital social, elle a un gros capital autochtonie. C'est une fille du coin qui a toujours vécu à Audincourt, à côté de Montbéliard. Qui est une militante de la première heure. Au bout de quelques mois à l'usine, elle a pris sa carte à la CGT. Au bout d'un an ou deux, elle est devenue déléguée, etc. Mais là, quand il lui arrive son problème de vue, elle est désarmée. Et en fait, c'est parce que Corrouge est un très bon, c'est un grand, co le, C'est une amitié de longue date, quoi, entre Viviane et le couple Corouge. Et en fait, en fait, c'est Christian qui va aider Viviane à ce moment-là en l'emmenant chez son ophtalmo qui est à Dijon, à 2 heures de route, parce que lui a cette connaissance par son fils, etc. Il a un petit réseau relationnel, un petit capital social qui fait que Viviane n'est pas complètement désarmée. Donc en fait, cette socialisation, elle continue. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que bah déjà, elle va gagner quelques années de vie de vue d'un de ses œils. Et puis, elle va continuer à apprendre à pas rester désarmée par rapport à l'état du système de santé. Et donc, cette solidarité primaire et cette sociabilité du care, elle s'observe dans un contexte historique particulier. Faut quand même relever ça, quoi. C'est pas des observations qui sont faites hors sol. C'est que la condition ouvrière retraitée que j'ai enquêtée, elle est analysée, elle est située temporellement, c'est-à-dire après la classe ouvrière, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure à propos de la DRDDR, et spatialement, puisqu'on est dans une zone de pénurie de soins. On n'est pas dans une grande ville, une métropole avec, voilà. Je m'arrête là sur cette question. Oui, je m'arrête là. Merci, Marie. Il n'y a pas de problème, Nicolas, mais c'est vrai que le temps file. Mais comme on a eu un petit bug, je t'accorderai du rab pour les questions. Il y a une autre thématique majeure dans ton ouvrage, et à nouveau, tu l'as déjà un peu évoqué là dans tes réponses, c'est le croisement avec la question du genre. Et Julie, tout à l'heure, je pense, pourra revenir également sur cet enjeu. Donc, les ouvrières, et tu nous as donné l'exemple de Viviane là à l'instant, et les ouvriers ne vieillissent pas et ne militent pas de la même façon. Et le livre décrit avec une grande précision une forme d'entre-soi masculin qui s'articule autour de la technique d'un côté, donc via les pratiques de pinaille et d'affouage, que je t'invite à décrire pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas ces techniques. Et de l'autre, l'engagement des femmes développé à partir de ce qui apparaît comme un féminisme populaire, je mets des guillemets évidemment à populaire. Donc les femmes qui expliquent avoir pu s'émanciper grâce au travail à l'usine cherchent à nouveau à s'émanciper une fois à la retraite d'un rôle d'aidante. Et ce que tu viens d'évoquer, notamment sur la pénurie des soins de santé publique encourage à cette réflexion et du travail domestique. Donc, est-ce que tu peux nous en apprendre un peu plus sur ces dynamiques propres au genre et la façon dont elles ont émergé sur ton terrain? Alors, je vais répondre en deux temps, dans l'ordre de tes questions, sur les hommes puis sur les femmes. Donc affouage et pinaille. Donc l'affouage, en fait, c'est la coupe du bois communal. L'affouage a un sens multiple parce que c'est à la fois la pratique et c'est en même temps le produit. Normalement, c'est le produit. C'est-à-dire que quand on a, voilà, donc tous les ans, les communes qui disposent de forêts communales qui sont accessibles, c'est-à-dire qu'en montagne, la question se pose autrement, peuvent, par l'intermédiaire de l'ONF, faire des lots dans cette forêt. Donc, on évalue sur pied le nombre de stères de bois que voilà. Et puis, les habitants s'inscrivent sur une liste. L'inscription est gratuite et ils payent pour une somme modique. Alors, c'était 10-12 euros au moment de l'enquête. Le stère de bois, aller couper directement le bois en forêt et le débarder, c'est-à-dire le sortir de la forêt et le ramener chez eux. Alors, et c'est une pratique très coûteuse en énergie, c'est une pratique manuelle que pratiquent, d'après ce que j'ai vu, quasi exclusivement des hommes. Il y a quelques femmes, mais c'est pas le sujet. Voilà. Et ça, donc, c'est l'objet premier de mon arrivée chez Corouge à Sochaux-Montbéliard. Et c'est une pratique qui, quand même, je vais pas en dire plus parce que j'en parle un peu dans le bouquin, puis j'ai un article à paraître sur la question. Mais c'est une pratique qui est en chute, qui a baissé qui a près de la moitié en 10 ans en Bourgogne-Franche-Comté sur l'ensemble de la région, la nouvelle administration Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est une pratique qui est en décrépissance pour plein de raisons sur les que je ne développerai pas aujourd'hui. Et la pinaille, en fait, c'est plus c'est le terme local qui est peut-être utilisé ailleurs, mais le terme le plus connu, c'est la perruque. La pinaille, c'est le fait d'utiliser des matériaux et des outils par un travailleur sur le lieu de l'entreprise pour soi, pendant son temps de travail, pour son propre produit. Voilà. Et donc, les deux pratiques sont situées dans le temps, puisqu'elles renvoient principalement à un monde ouvrier puissant dans les années 70-80. Notamment parce que c'est à ce moment-là aussi que les ouvriers ont beaucoup accédé à la propriété. Tous ceux qui étaient en cité, comme Carouge, je l'ai dit pour en 90, quand il accède avec sa femme à la propriété. Mais il pouvait aussi avoir du. Enfin, c'est le moment aussi où le monde ouvrier avait du pouvoir. Alors, c'est très vrai dans les grosses structures telles que Sochaux, Peugeot, Sochaux, dans le sens où il y avait plus de 40 000 salariés. On m'a dit plusieurs fois, en fait, l'usine, tu pouvais aller faire ton marché. C'est-à-dire qu'il y a tel ouvrier paysan de Haute-Saône qui ramenait du jambon. On pouvait se faire confectionner des gants pour l'hiver par les femmes de l'atelier de couture, qui faisaient elles-mêmes tous les étés, elles faisaient des trousses en cuir à partir des tissus de sièges de voiture, pour les enfants, pour la rentrée scolaire. Bon, voilà. Donc ça concerne, j'ai évoqué la couture, donc ça concerne aussi un peu les femmes, mais c'est quand même beaucoup les hommes. Et cette appropriation d'un savoir-faire manuel. En fait, on n'est pas ouvrier que pour son patron. On n'est pas comme les artistes, les intellos du côté de l'être. On n'est pas comme les bourgeois du côté de l'avoir. On cherche pas à accumuler. On est de fait, vu l'ordre social, comment il est fait du côté de ses mains. C'est-à-dire, on fait des choses, mais on ne fait pas que pour les autres. On fait pas que pour le patron dans le cadre d'une relation salariale. On fait aussi pour soi. Ce qui donne sens aussi à toutes les pratiques de bricole qu'on voit à l'âge de la retraite, quoi. Le garage de Carouge que j'ai évoqué. Alors, du côté des femmes, j'ai pas pu observer l'équivalent. Pour une raison principalement de genre, c'est-à-dire que je suis un homme, donc je n'ai pas été introduit dans les milieux féminins tels que je l'ai été chez les hommes. Et puis d'enquête, la manière dont ça s'est fait. Et tu parles de féminisme avec un populaire entre guillemets, que moi j'enlève les guillemets, parce que c'est quelque chose qui a été peu enquêté, peu dit par les sciences sociales à ma connaissance, c'est-à-dire qu'il y a aussi eu un féminisme populaire. Dans les années 68, à partir des années 68 et après, ce qui est compliqué avec les rapports de genre c'est qu'il y a des formes de machisme, de déséquilibre dans les rapports de genre, en haut comme en bas de l'échelle sociale. C'est-à-dire qu'on parle souvent de courbe en U en sociologie, et la courbe en U, donc il y a un très fort déséquilibre en bas de l'espace social et en haut de l'espace social dans l'aristocratie, la grande bourgeoisie, etc. Même si, du coup, là, il y a une délégation du travail domestique, mais c'est quand même la femme qui a la charge mentale de cette délégation. Et puis, c'est plutôt au milieu de l'espace social, chez les classes moyennes, qu'il y a une recherche d'un certain équilibre entre les rapports de genre. Et là, ce que j'ai vu, c'est très lié, en fait, c'est pour ça que, juste pour finir sur cette histoire de stratification du féminisme, c'est que, en fait, il y a très peu d'enquêtés qui n'ont pas bondi quand j'ai employé le mot féminisme. Et ça, c'est une leçon. On continue de faire des erreurs d'enquête à plus de 50 ans, puisque j'ai fait une imposition de problématique quand j'emploie le mot féminisme. Donc après, je le faisais plus quand j'ai eu deux, trois réactions comme ça. Et en fait, il y en a qu'une que j'ai déjà citée, qui est Viviane, qui utilise le mot féminisme, et qui me remet souvent à ma place, d'ailleurs, comme d'autres mecs dans la bande. Mais pourquoi elle se sent... Parce que le féminisme en milieu populaire, chez les femmes de milieu populaire, ce que j'ai observé, c'est que elles se sentent remises en question. C'est un truc qui vient d'en haut, par les personnes comme Gisèle Halimi, historiquement, etc., ou plein d'autres, mais des personnes qui ne sont pas de leur monde. Et elles ont toujours peur d'être remises en question, y compris dans les manières de faire qu'elles se sont appropriées. C'est-à-dire prendre en charge l'économie domestique, s'occuper de la couture, coudre, etc. Mais néanmoins, ce sont les 68ardes. Et pour elles, l'accès à la culture a été central. Et la culture, c'est pas un gros mot, c'est pas la culture légitime, c'est aussi la culture, c'est savoir se laisser influencer par l'humeur de son temps. Quand on est jeune dans les années 70, il y a plein de choses qui circulent. Il y a par exemple les livres de poche qui arrivent à partir du milieu de la fin des années 60. Et donc, ce sont des femmes qui ont beaucoup lu et qui continuent de lire beaucoup. Par exemple, Roger Vaillant, un auteur des années 50-60, était très, très lu, et toutes celles que j'ai rencontrées l'ont lu. Et pour répondre de manière empirique, enfin, pour finir sur la question, Ce côté 68 heures et cette volonté d'indépendance qui, à l'époque, quand elles avaient 20 ans, leur a permis de dire merde aux hommes, que ce soit le père ou le mari, c'est quelque chose qui est omniprésent dans les films des groupes Nevetkine, cette volonté d'indépendance féminine. Donc Annie, en fait, une des enquêtées, elle l'a anticipé, enfin, elle a anticipé sa retraite, c'est-à-dire qu'au moment de passer à la retraite, quelques années auparavant, elle a toujours été locataire de son logement, HLM, mais elle a pris un appartement plus petit pour anticiper sa baisse de niveau de vie. Le passage du salaire à la pension, quoi. Et pourquoi elle a fait ça? Pour garder ce qui pour elle est essentiel, c'est-à-dire la lecture et le cinéma. Elle veut tout le temps aller au cinéma, toutes les semaines, revoir ses copines, etc. Ce qui a des conséquences en termes de posture en tant que femme dans sa propre famille, puisque du coup, par rapport à ses petits-enfants, eh ben, y a les beaux-parents qui eux ont une maison, et puis elle a un appartement, ce qui veut dire qu'elle va moins voir ses petits-enfants. Donc c'est des choix de vie qui continuent jusqu'au moment où je les observe. Je te remercie et je vais te poser une dernière question avant de passer à la deuxième partie, enfin à la chronique de l'heure et puis à la deuxième partie de cette émission. Sur un dernier type de parcours abordé dans le livre, celui des retraités qui ne militent plus. Alors je ne sais pas si on les appelle les hors-bandes. Et à nouveau, tu décris de manière très précise leur rupture avec le groupe solidaire que l'on suit depuis le début de l'enquête, et ce pour plusieurs raisons. Pourrais-tu nous les détailler, expliquer ce que ces parcours alternatifs disent de ce monde de retraités militants que tu as étudié? Et je te demanderai d'être plutôt synthétique avant qu'on Oui, donc je vais tienne. pas développer sur les cas. Il y a Non, deux mais. cas, Gérard et Hamid, qui ont des parcours très différents. Mais alors déjà, de manière très pragmatique, il y a un point commun entre les deux, qui est que ils sont toujours en couple solidaire. Donc par rapport à la disponibilité biographique des autres que j'ai évoqués, c'est un point central. Par ailleurs, ils s'occupent toujours beaucoup de leurs enfants et petits-enfants qui sont restés sur place. Contrairement à beaucoup des enfants et des petits-enfants de la bande de 89. Donc leur appartenance familiale est centrale. Alors, ça c'est pour les points communs. Après, il y a en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'essaie de mener une sociologie des appartenances sur Gérard et Hamid telle que je l'ai faite avant. Et donc, je vois le poids central de la famille, mais je vois aussi les effets du libéralisme économique sur leur territoire de retraite et leurs conditions de retraité. Alors, du côté d'Hamid, c'est très clair, puisqu'il y a une paupérisation nette du côté qui n'est pas liée qu'à son passage en retraite, mais qui est liée aussi au fait qu'à la politique de la ville et au fait qu'il a accédé à la propriété de son appartement avec sa femme. Et qu'ils n'ont pas du tout anticipé le coût de l'emprunt, qui font qu'aujourd'hui ils sont surendettés. Donc ce cas permet d'évoquer la question des conditions de vie matérielles, pécuniaires de retraite. L'effet du libéralisme économique est le plus indirect chez Gérard, dans le sens où c'est un désarroi plus symbolique. C'est-à-dire que lui, il s'est beaucoup retranché, enfin retranché. C'est pas un retranchement. Il a développé ses sociabilités qu'il a toujours gardées, mais de manière complètement ouverte au moment de sa retraite, en partant le plus tôt possible, que sont il est habitant Haute-Saône, donc ça va être les loisirs ruraux, la chasse, la pêche, etc., le bois, beaucoup. Et pour lui, voilà. Et donc le déclassement, enfin l'effet du libéralisme, il va plus le voir dans le fait que son espace rural a beaucoup changé. C'est plus un espace d'activité, c'est un espace de vieillissement qui est plutôt du côté du service, alors qu'avant c'était du côté de l'industrie. Donc c'est les nouvelles fonctions de l'espace rural qui font qu'il y a une forme, un sentiment de déclassement chez lui. Et juste le troisième point en deux mots, c'est qu'on voit aussi à travers ces deux cas, et je le développe peu dans l'ouvrage, mais les conséquences de conflits internes au monde ouvrier ou internes à la CGT. Voilà. Pour chacun, il y a des formes de recul, mais c'est quelque chose qui était très présent dans les entretiens qu'avait fait Pialoux avec chacun des deux dans l'ouvrage La misère du monde, qui ont été publiés dans La misère du monde. Je te remercie. Je vais passer la parole à Laure pour sa recommandation culturelle. Et puis Nicolas, on te retrouvera pour la table ronde. Mais merci d'avoir partagé avec nous cette histoire et je trouve ça précieux et très intéressant de mettre en avant le monde ouvrier dans les sciences humaines et sociales et surtout en rapport avec les questions de vieillissement. Marcel, je te laisse faire entrer Laure. Pour cette dernière émission de la saison, je vous propose non pas une, mais deux recommandations de lecture. La première vient comme une évidence, tant cette bande dessinée est connue, au point d'avoir fait notamment l'objet d'une adaptation à l'écran en deux volets. Il s'agit bien sûr de la série de bande dessinée Les Vieux Fourneaux de Lupano et Coët, lancée en 2014 et dont le tome 8 est sorti en novembre dernier. Et cette série met en scène une grande galerie de retraités dont la principale activité est la lutte politique sous toutes ses formes et pour de nombreuses causes très très actuelles. On y rencontre Antoine, figure de l'ancien ouvrier qui a travaillé toute sa vie durant dans une usine de production d'antidépresseurs et qui a également à son actif une longue carrière de syndicaliste. Il y a aussi Pierrot, l'anarchiste de longue date qui n'a jamais cessé d'organiser des actions directes et qui désormais fait preuve de toujours plus de créativité pour mobiliser les atouts du grand âge. Enfin, il y a Émile, pour sa part plutôt désencarté et carrément sportif baroudeur, un peu à la traîne dans l'engagement politique, mais qui répond toujours présent aux appels de ses copains et qui finit, au fil des tomes, par mener ses propres combats. Autour d'eux gravite une multitude de vieilles et de vieux qui ne lâchent rien, jusque dans la tombe s'il le faut, toujours avec mordant, peu importe le nombre de dents qui restent sur la mâchoire. Les auteurs y abordent la question des conflits générationnels et des incompréhensions sur les buts et sur les méthodes de lutte, mais c'est en réalité, je dirais, plutôt un thème mineur. Ce que je retiendrai plutôt pour ma part, c'est la description des trajectoires militantes, des vies politisées, le maintien de cette politisation, ses mutations, ses débats, les doutes, mais aussi les traces que laissent les vies au travail, dans les têtes et sur les corps. Les luttes mises en image prennent d'ailleurs également des formes qui sont moins souvent présentées comme étant politiques, entre guillemets, comme la solidarité pour vivre ensemble et se soutenir dans les épreuves qui sont plus propres au vieillissement. Et ça fait vraiment l'objet d'un certain nombre de cases, comme vous allez le voir à l'écran probablement. Évidemment, ce sont des histoires et des aventures romanesques qui sont contées dans ces bandes dessinées, mais leurs héros et héroïnes d'encre et de papier n'en ont pas moins une certaine réalité. Et j'en viens là à ma seconde recommandation du mois qui apporte un éclairage supplémentaire à ce que suggère la fiction, c'est-à-dire l'importance des retraités, cette fois-ci en chair et en os, au sein des luttes politiques. C'est pourquoi je vous propose, en seconde recommandation, la lecture d'un article publié dans le journal Reporter, qui est paru en septembre 2019, dans le contexte à l'époque, de la réforme des retraites. Cet article qui s'appelle Retraités, ils font vivre les luttes. Il est signé par Alexandre Reza Kokabi, Marie Astier et Hervé Kempf. Et ces auteurs et autrices se penchent en premier lieu sur des travaux de sociologie qui leur permettent de montrer comment la retraite est pour beaucoup une période d'engagement, à la fois militant et associatif, période qui peut être investie à la condition d'en avoir les ressources financières et d'être encore en bonne santé. Évidemment, ce qui est précisé, c'est que cet engagement est rarement une nouveauté. Il vient la plupart du temps s'inscrire dans la continuité d'une socialisation de longue date qui mène les personnes à maintenir un engagement préalable. L'article propose également, et c'est vraiment le cœur de l'article, une série de portraits de militants et militantes retraités. Donc Geneviève Leguet, militante à Attac, Bernard Loup, président du collectif pour le Triangle de Gonesse, Anne Charmasson-Creux, militante féministe aux côtés des exilés, Jean-Luc Jutier, impliqué dans la lutte contre les OGM, et Geneviève Coiffard-Graudois, mobilisée à Notre-Dame-des-Landes. Comme d'ordinaire, vous trouverez en barre d'infos les liens vers ces recommandations. N'hésitez pas à y faire un tour dès à présent, puisque nous allons faire une courte pause pour l'émission. Je vous invite à ne pas quitter le live. Nous allons reprendre la table ronde dans quelques minutes. À tout à l'heure. Donc pour cette seconde partie d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Landour et Gilles Sudemont. Comme vous pouvez le constater et comme je l'ai déjà précisé, il s'agit d'un panel qui va nous permettre de creuser certaines thématiques abordées dans l'ouvrage de Nicolas, mais également d'apporter un autre regard, tant sur la structuration de la retraite, que la question de pénibilité ou l'engagement syndical ailleurs qu'à la CGT. Alors je vais commencer avec Julie. Donc Julie est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris-Dauphine. Et comme je l'ai précisé en introduction, tu es actuellement en terrain de recherche au Canada. Donc je te remercie de nous rejoindre de si loin. Tu as d'abord travaillé sur les parcours professionnels et tout particulièrement ceux des femmes qui créent une activité indépendante. Et tu t'intéresses aujourd'hui à la construction de la retraite tout au long de la vie en comparant justement actuellement la France et le Québec. Où tu proposes de penser la retraite et les inégalités qu'on y observe, pas uniquement en fonction de la position professionnelle, mais en prenant en compte d'autres facteurs comme les configurations conjugales ou les lignées. Il s'agit d'une thématique qui se retrouve dans l'ouvrage de Nicolas. Que souhaiterais-tu ajouter sur ce sujet, à la fois au regard du monde ouvrier et plus généralement du monde salarial? Et que dire de l'expérience de la vieillesse des personnes que l'on n'a pas l'habitude d'entendre à ce moment de leur vie? Merci beaucoup Marie, merci pour cette invitation et puis ben merci aussi de m'avoir permis de discuter cette très belle enquête que j'avais lue avant l'invitation qui m'a été adressée par Marie et Laure et que j'ai lue avec beaucoup d'intérêt scientifique parce qu'effectivement on n'est pas loin des sujets que j'essaye de traiter actuellement. Mais aussi avec un peu la tendresse de l'étudiante en sociologie qui avait fait ses premières armes de lecture avec les travaux de Beau et Pialoux, et puis là qui retrouve un peu les figures. Nicolas parlait un peu plus tôt du Working Hero qui est Christian Caux-Rouge, mais il y a un petit côté aussi Rougon-Macquart finalement dans tout ça. On le retrouve, ces personnages. Voilà, il y a beaucoup de plaisir à les retrouver aussi. Puis l'enjeu aussi, c'est que ces travaux de la dimension longitudinale qui permettent vraiment de suivre les gens dans le temps, ils sont quand même très rares parce qu'ils sont difficiles à mettre en place aussi. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est vraiment passionnant de pouvoir avoir accès à cette profondeur temporelle qu'on a ici dans l'enquête. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. Alors sur ce que je pourrais éventuellement ajouter, enfin ce que je pourrais ajouter, ce que d'autres ont aussi ajouté avec leurs travaux par ailleurs, il me semble quand même qu'effectivement ce qu'on voit là à travers ce travail, c'est aussi beaucoup une vue rétrospective sur ce qu'a été le monde ouvrier avant. Et dans un contexte où il y avait une beaucoup plus grande stabilité de l'emploi. Alors il y avait bien sûr des luttes, hein, qui ont été des luttes importantes qui ont été menées, mais le monde ouvrier, il a aussi beaucoup évolué. Alors d'abord du point de vue de l'emploi, hein, parce que là on a, et ça a du sens vraiment sur la question de la retraite, et notamment sur la question des positions économiques à la retraite. Puisque là, on a affaire quand même à des enquêtés qui ont pu connaître des carrières organisationnelles. Alors, quand parle de carrière, c'est pas simplement des gens qui ont pu évoluer, faire ascension dans l'organisation, mais qui ont connu une relative stabilité de l'emploi dans des usines qui étaient des usines un peu totales, où tout le produit était construit au même endroit. Et ça, aujourd'hui, ça existe en tout cas de moins en moins. C'est devenu beaucoup plus rare parce que d'abord, il y a une forte diversification des lieux. Et donc ça aussi, ça pose des questions sur comment est-ce qu'on s'engage, on fabrique de l'engagement dans des usines qui sont délocalisées à divers endroits, soit sur le territoire national, mais aussi à l'extérieur du territoire national. Et puis, il y a aussi des très fortes diversités des statuts d'emploi. Et là aussi, comment est-ce que on fait lien et on s'engage collectivement sur les lieux de travail quand on est quelques-uns à être dans de l'emploi stable, en CDI, quand d'autres sont en intérim, quand d'autres encore sont en fait des travailleurs en situation de sous-traitance. Et donc ça, évidemment, ça pose des questions, des enjeux forts en termes de mobilisation qui font que structurellement, la vie des ouvriers, précisément, mais des travailleurs salariés plus largement, elle est très, très différente de ce point de vue-là. Les conditions de travail aussi ont évolué. Alors non, la pénibilité n'a pas disparu du tout, mais elle s'est configurée, elle se configure de manière très différente. Elle est aussi dispatchée entre les travailleurs de façon différente aussi, au gré des statuts d'emploi aussi. Et ça aussi, ça pose des questions sur comment est-ce que on assure la soutenabilité du travail et puis le vieillissement donc dans le travail quand on a ces enjeux de pénibilité qui se dessinent de manière très différente. Et puis, parce que c'est aussi mon centre d'intérêt, alors là, peut-être que Nicolas l'a un peu plus mis en lumière que ce qu'on voit dans le travail, mais il y a aussi des enjeux très forts de stabilité biographique. Et notamment des parcours conjugaux qui sont de moins en moins stables aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de point de vue normatif de ma part, hein. C'est juste qu'effectivement, on peut avoir plusieurs vies conjugales, les couples se font et se défont. La famille aussi évolue parce qu'on est moins resserré à un même endroit et on le voit un petit peu aussi dans l'ouvrage avec des enfants qui n'habitent plus nécessairement là où les parents sont. Et ça pose aussi des questions dans la façon dont on peut vieillir, arriver à la retraite et construire sa vie. Tout ça, on voit que c'est finalement un monde peut-être ancien qui est donné à voir dans l'ouvrage et qui pose en fait un peu la question de comment tout ça va se reconfigure déjà aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, et va sans doute encore plus se reconfigurer dans les années qui viennent avec les transformations et l'accélération des transformations de l'emploi, de la famille, auxquelles on assiste depuis une paire de décennies maintenant. La deuxième question portait plus particulièrement sur l'expérience de la vieillesse chez les personnes qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'entendre. Alors, Nicolas le dit d'ailleurs très bien dans son ouvrage, hein, des travaux sur la vieillesse, il y en a. Mais ils sont sans doute beaucoup plus centrés sur la question de la dépendance et moins sur la question de l'activité et des interdépendances à justement au moment de la vieillesse. Et ce qui, moi, m'a beaucoup intéressée, c'est comment est-ce qu'on reconstruit de la solidarité justement un peu en dehors de la famille patriarcale parce que par le biais des évolutions de la vie. On voit notamment un certain nombre de veuves, de personnes divorcées qui se retrouvent ensemble. Et je trouve que ça pose des questions importantes sur ces nouveaux liens qui existent au moment de la vieillesse, un peu en dehors de la norme hétéropatriarcale telle qu'elle a beaucoup aussi nourri les modèles de protection sociale et le modèle de protection sociale à la vieillesse aussi. Et ça, j'ai trouvé dans ce sens-là que c'était cette solidarité de care qui se reconstruit. J'ai trouvé que c'était vraiment un apport majeur de l'ouvrage. J'ai trouvé ça vraiment bien, bien mené et intéressant de voir comment est-ce qu'on se donne des supports affectifs. On boit des coups ensemble, on est dans des moments de sociabilité intense et important, mais on aide aussi et on accompagne les questions de maladie, des questions de vieillir, à un moment où les supports médicaux existent de moins en moins. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu encore dernièrement en France là, des enjeux sur l'installation des médecins. Des médecins libéraux sur l'ensemble du territoire. Je pense qu'on n'a pas fini d'adresser cette question en France, mais on voit que c'est des soutiens du quotidien sur la question de la vieillesse, de la prise en charge de la maladie, et du soin qui sont effectivement importants, alors qu'on voit peut-être beaucoup du côté des manières de faire des hommes, avec les belles pages aussi sur les affouages, etc. Peut-être un peu moins aussi du côté des manières de faire des femmes. Alors Nicolas explique bien comment est-ce que, bah, selon son genre, on n'accède pas forcément toujours exactement aux mêmes endroits du monde social, mais j'espère que d'autres enquêtes pourront se conduire pour aller voir là-dessus, puisque je gage que les femmes font aussi pas mal de choses de leur côté. Donc ça, on le voit assez bien, mais c'est vrai que finalement, ce n'est pas le cœur de l'ouvrage, qui est quand même beaucoup plus centré sur rétrospectivement les engagements militants et comment est-ce qu'ils continuent à infuser cette vie à la vieillesse. Mais on repart toujours un peu de cette question de la position professionnelle initiale avant la retraite. Et on voit un peu moins comment est-ce que cette question de la position, elle se recompose au moment du passage à la retraite, justement. Et bon, on est plusieurs à travailler là-dessus en ce moment, mais cette question de sortir un peu de la façon dont, par exemple, les nomenclatures INSEE codent la position sociale à la retraite en partant de la position professionnelle antérieure, mais de montrer que justement le passage à la retraite est un seuil où il y a énormément de choses qui se recomposent, des reconfigurations qu'on traite certes à la position professionnelle, qu'on traite aussi aux liens, et notamment aux liens militants collectifs qu'on a fondés pendant sa vie professionnelle et comment ça se fonde ensuite, mais aussi aux configurations conjugales dans lesquelles on arrive au moment de la retraite, et puis avec les enjeux aussi de patrimoine qui sont maintenant devenus un peu clés pour comprendre les assises à la retraite à un moment où le modèle social français est en train d'engager des reculs massifs sur la question de la protection économique à la retraite, avec des taux de remplacement qui sont en train de baisser et qui sont donc pas la situation qu'ont connue Carouge et ses collègues, mais qui est précisément la situation qui va advenir dans les toutes prochaines années pour les personnes qui vont arriver à la retraite. Donc c'est peut-être ça que j'aurais voulu rediscuter. Et en fait, c'est là où les personnages qui sont peut-être des personnages secondaires, mais qui sont en fait des personnages clés, qui sont ceux de Gérard et Hamid, qu'on voit dans le chapitre 5, sont extrêmement intéressants pour comprendre justement ça, cet enjeu de la position professionnelle ne suffit pas à comprendre l'assise sociale, économique des individus une fois qu'ils sont à la retraite, parce qu'il y a plein d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Dans quoi est-ce qu'on vit? Quelle est la trajectoire résidentielle? Est-ce qu'on est en couple, pas en couple? Avec qui on est en couple? Est-ce que les enfants sont à proximité ou pas? L'état de santé dans lequel on est et l'état de santé dans lequel nous a laissé le travail aussi joue un rôle déterminant. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'est sans doute un des chapitres que j'ai préféré moi pour le coup, parce qu'on voit effectivement le rôle aussi majeur des compagnes de ces deux hommes qui ne sont pas, si j'ai bien compris, qui étaient elles-mêmes pas salariées chez Peugeot, mais qui ont eu des vies professionnelles en dehors. Et ça aussi, ça fait, semble-t-il, je pense, des choses sur le fait que Gérard et Hamid y restent dans la bande des 89, ou non, et plutôt non, dans leur cas, en l'occurrence. Voilà ce que je peux dire sur cette premier ensemble de questions. Je te remercie Julie, j'en avais une deuxième, mais je pense que tu as déjà pas mal répondu à ces éléments en évoquant la restructuration du monde salarial et du monde du travail de manière plus globale. Et c'était sur, selon toi, qu'est-ce que ces expériences de vieillissement et de retraite peuvent apprendre pour la génération d'ouvriers à venir que tu as évoquée et qui est aussi présente dans l'ouvrage de Nicolas, qui a évoqué également des liens intergénérationnels qui se créent entre la bande de 89 et ceux qui sont là maintenant encore ouvriers. Alors, je vais essayer de ne pas me répéter, parce qu'effectivement, j'ai dit déjà quelques petites choses, mais on voit bien en fait que le collectif, il joue. Alors, on est dans un moment, enfin, dans une période longue même, où on revalorise la responsabilisation individuelle des individus pour construire leur parcours. On le met à toutes les sauces, sauf qu'en fait, On continue de voir à quel point l'inscription dans les collectifs, elle est majeure pour permettre l'assise des individus. Et peut-être que ce que je pourrais apporter sur cette question justement du vieillir et de la construction de la retraite, c'est ce que moi je vois depuis le Québec actuellement, où une des surprises de mon enquête, parce que vraiment je m'y attendais pas du tout, c'est justement le rôle des syndicats dans la construction de la retraite de la préparation de la retraite. Alors, ici, j'ai découvert qu'il y a évidemment un système qui fonctionne très différemment avec notamment un des enjeux de financiarisation de la protection sociale qui sont beaucoup plus forts et dans lesquels les syndicats participent pleinement en fournissant des fonds de pension aux travailleurs syndiqués. Donc, d'un point de vue de française, ça paraît complètement, c'est de la science-fiction, mais ici, ça fonctionne à plein. Mais globalement, ce qui fait aussi que les personnes que moi je rencontre actuellement, ils préparent leur bien vieillir. C'est le fait qu'ils sont accompagnés professionnellement, c'est-à-dire qu'il y a une socialisation professionnelle à la préparation de la retraite. Il y a vraiment un enjeu de... et il y a un travail syndical très important qui est fait là-dessus, sur nous, notre rôle face à cette hyper individualisation de la protection sociale, c'est de bien accompagner les travailleurs pour qu'ils aient les outils pour bien vieillir au moment de la retraite. Et donc, il y a des formations qui sont mises en place assez tôt dans les parcours, on peut y accéder dès qu'on commence à travailler, pour non seulement se préparer économiquement dans un endroit où les pensions publiques sont très basses et ne permettent pas de toute façon d'avoir un minimum décent pour vivre, mais aussi de se préparer ontologiquement, c'est-à-dire comment est-ce que on ne se noie pas dans la perte de soi, dans le laisser-aller dans la retraite. Alors, tout ça est extrêmement normatif, bien sûr, mais c'est extrêmement intéressant de voir que, du coup, à configuration d'emploi différente, on est dans un pays où les syndicats, quand ils existent, et ils existent plus fort qu'en France, parce que aussi la vie syndicale, elle est configurée différemment en Amérique du Nord, elle joue un rôle dans l'assise économique et sociale à long terme des individus. Et donc c'est une forme de prolongation, en tout cas c'est un écho à ce que l'on voit là dans le travail de Nicolas, ce rôle de on ne se laisse pas tomber au moment de la retraite aussi que voilà, portent ces militants-là, mais dans une configuration différente, on le retrouve aussi ici, ce qui me pose des questions sur le rôle des syndicats aujourd'hui en France, qui sont très centrés sur l'accompagnement du bien vieillir dans le travail, en assurant les enjeux de pénibilité aussi. Mais la lutte politique, elle est centrée aussi sur des dialogues avec un État qui est plus ou moins réceptif aux discours syndicaux. Mais il y a aussi d'autres manières de faire qui se voient ici, alors avec des points de critique à avoir bien sûr, mais qui posent la question de qu'est-ce qu'on construit au long terme dans la protection sociale des individus, comment finalement on les accompagne face aux logiques d'hyper-responsabilisation qui de toute façon sont à l'œuvre et face auxquelles les individus sont très inégalement dotés pour résister, pour... Ne serait-ce que pour comprendre, par exemple, comment fonctionne le système des retraites ici, qui est au moins aussi compliqué que celui qui existe en France, contrairement à ce que on veut bien nous laisser croire. Donner des outils pour comprendre comment ça fonctionne et comment est-ce que les individus peuvent se protéger. Je te remercie pour pour cette ouverture, cette comparaison avec ce que tu vois actuellement au Québec. Nous, on trouve ça toujours très intéressant de comparer. Et j'invite les spectatrices et spectateurs à aller voir en replay l'émission avec Julien Simard, cette fois sur les questions de logement, avec un ouvrage centré également sur le Québec, puisqu'on favorise l'usage du français, évidemment. Alors, Gilles, je me tourne vers toi maintenant. Donc Gilles, tu es un militant syndical de longue date. Donc, tu as débuté, je l'ai dit, comme conducteur de métro à la RATP, avant de t'engager pleinement dans la défense des droits des salariés, donc notamment comme conseiller prud'homal pendant plus de 20 ans, juriste à l'Union départementale CFDT de Paris, et puis secrétaire de l'Union territoriale des retraités CFDT du Jura. Et parallèlement, tu as mis ton expertise en droit social au service de l'insertion professionnelle et de la formation en tant qu'enseignant, co-responsable pédagogique et aujourd'hui donc présidente de KEOPS BFC, fédérant les CAP emploi de Bourgogne-Franche-Comté. Donc avant de revenir sur certaines thématiques clés auxquelles tu t'intéresses dans le cadre de ton riche parcours de vie, qu'est-ce que tu peux nous partager plus précisément sur le fait d'être une personne à la retraite syndicalisée, donc comme les acteurs avec un parcours militant, un peu comme les acteurs qu'on a vus dans l'ouvrage de Nicolas, et qu'est-ce qui t'a motivé, par exemple, à poursuivre cet engagement auprès de la CFDT du Jura? D'abord, je vous remercie de m'avoir. Je sais pas comment vous m'avez trouvé, mais de m'avoir invité, du coup. Ce qu'il y a clair, c'est que je suis pas du tout au niveau ni de Julie, ni de Nicolas. Donc, ce ne sont que on va dire ce qu'on appelait au prud'homme des impressions d'audience. Donc, en fait, sur ce que dit Nicolas, il y a beaucoup de points communs que je retrouve, moi, en tant que responsable de la section retraitée du Jura. On a, par contre, pas probablement pas la même histoire, mais l'histoire racontée par Nicolas, elle est très locale. C'est l'usine de Peugeot de Sochaux. Moi, mon activité, elle est faite avec l'ensemble des militants, enfin des adhérents, pas tous militants, qui sont sur le Jura. Donc ça va de, il y a beaucoup de métiers différents. Il y a beaucoup de personnel intercommunal. Il y a des enseignants. Moi, je suis un retraité exilé, parce que bon, la RATP n'arrive pas jusque dans le Jura pour l'instant. Voilà, donc il y a des choses communes. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a une grosse, grosse, grosse perte d'adhérents entre les actifs et les retraités. Donc pour la CFDT, c'est 600 000, 40 000. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a, un peu comme le dit Nicolas, des secteurs d'activité qui restent entre eux. Donc nous, on appelle ça des SSR, donc les 5 sections syndicales de retraités, et qui du coup sont très souvent issues soit de la même entreprise, soit de la même branche d'activité. Donc par exemple, la SNCF, qui est un peu répartie sur le monde, la France entière, on arrive à retrouver des militants, des adhérents qui se regroupent entre eux. Moi, ils aiment pas quand je leur dis ça, mais ça ressemble plus à une amicale d'anciens plutôt qu'à des syndicalistes qui continuent à avoir une activité, bien que, notamment pour la SNCF, le problème de la modification des statuts va potentiellement avoir un impact sur la prise en charge des retraites pour les anciens salariés de la SNCF, et notamment sur les aspects aussi de prise en charge au niveau de la santé. Par rapport à ce que vient de dire Julie sur la formation, entre guillemets, ou l'information délivrée aux anciens salariés, nous, à la CFDT, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle les formations ABER. Donc, c'est adhérents bientôt en retraite. Donc, pour leur indiquer et leur préciser quelles sont les conditions de prise en charge, qu'est-ce qu'il va falloir réunir comme document pour pouvoir faire valider la totalité de sa carrière. Alors, pour un salarié qui a fait ses 35 ans ou ses 40 ans dans la même boîte, grosso modo, ça ne pose pas vraiment de difficultés, mais comme on constate qu'il y a de plus en plus de carrières hachées, donc il y a cet aspect présentation de la situation à venir, et puis ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a souvent un besoin de pause syndicale. C'est-à-dire quand on sort de l'entreprise pour intégrer le statut de retraité, assez souvent les anciens adhérents, les anciens militants s'accordent 1 an, 2 ans, 3 ans de pause. Moi, j'appelle ça une pause technique, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus envie de continuer à militer, en sachant qu'il y a quelque chose qui fait peur aux anciens, c'est la santé. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on arrive chez les retraités, on a souvent le sentiment qu'on va ne parler que de notre prostate, que de notre cancer des poumons, que de notre épaule qui est en vrac. Et donc du coup, par rapport à l'épaule qui est en vrac, moi je pense que aujourd'hui, la situation des retraités, mais aussi des futurs retraités, pourrait s'améliorer si le patronat était beaucoup plus respectueux des obligations de maintien de compétences et d'outils de sécurité, entretien des connaissances, posture et autres. Et on aurait moins de travailleurs handicapés qui, pour le coup, se transforment souvent en personnes qui ne peuvent plus travailler, qui ont de toute façon, même si elles ont des capacités à travailler, sont beaucoup plus difficilement recrutées parce qu'il y a cette image du handicap qui fait peur encore à certains. La France a aussi encore beaucoup de progrès à faire. On a fêté les 20 ans de la loi qu'on appelle loi handicap. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2005, il y a des décrets, notamment sur les modalités de transport et sur la mise à disposition de modalités de transport pour les travailleurs handicapés, pour les personnes handicapées, parce que ça va au-delà des travailleurs. Les décrets ne sont toujours pas passés. Donc on met des lois, mais qui sont de fait difficilement applicables par derrière. Et puis deux petites précisions. Sur la diminution de la foi. Genre, moi, il se trouve que j'habite dans un village où on est 62 habitants, donc on est tranquille. Nous sommes des propriétaires puisqu'on a des forêts. Et sur la diminution de la foi, c'est une activité extrêmement difficile, contrainte dans le temps parce on a le droit de commencer à telle date et à telle date, il faut que ça soit fini. Et c'est aussi une activité très dangereuse. Nous, sur le territoire sur lequel on est, l'an dernier, il y a eu 4 morts. Parce que c'est souvent une activité individuelle. Et on prend forcément des risques puisqu'on abat des arbres. Mais des fois, ça va au-delà. Et puis, une petite note un peu humoristique, la pinaille existe, enfin, a au moins existé aussi à la RATP. Ça peut être étonnant parce qu'on considère qu'on fait que du transport. Donc, on pinaille pas les voyageurs, mais il y avait des ateliers dans lesquels, effectivement, on savait tout faire. Donc, quand j'entends les trousses en cuir pour les élèves, ouais, il y a eu ça. Il y a eu aussi, quand on travaillait le fer, on a aussi construit des portes de garage et des portes pour le jardin. Voilà. Je te remercie. Une chose qui m'étonne, Oui, juste une vas-y, je t'en petite chose prie. qui m'étonne, ça m'étonne. Je trouve ça intéressant d'un autre côté, mais je trouve ça un peu vexant aussi, c'est qu'aujourd'hui, les vieux sont un peu récupérés par une partie de la société. Alors, il y a un garçon qui s'appelle Antoine Decaune, que par ailleurs, j'apprécie sur son mode de fonctionnement, sur un certain nombre de choses. Mais par exemple, il en est aujourd'hui à créer une revue qui s'appelle Vieux, qui est à destination. Alors, je ne suis pas sûr que ça touche tous les retraités, parce que il a un mode d'expression qui est peut-être pas tout à fait adapté, en tous les cas, à des retraités qui sont plutôt jurassiens. Je te remercie, Gilles, et sur l'ouverture de l'intersection avec les questions de classe et de capital culturel avec Antoine Decaune. Je ne m'y attendais pas, mais c'est également intéressant. C'est vrai que j'avais vu dans un kiosque cette affiche de la revue que tu mentionnes. Alors, tu as un peu anticipé sur une question que je voulais te poser, mais ce n'est pas grave. C'est sur celle de la pénibilité dans l'emploi, qui est une thématique qu'on a évoquée avec Julie et qui traverse évidemment l'ouvrage de Nicolas. Et toi qui travailles aujourd'hui dans le secteur du handicap et tu l'as évoqué, je voulais que peut-être tu creuses un peu plus ce sujet. Tu as évoqué les travailleurs handicapés, mais peut-être en lien aussi avec la retraite et comment ça peut se dérouler. Alors, tu as évoqué les problèmes aux épaules. Nicolas avait évoqué Viviane, mais Viviane, c'était suite à une opération d'un glaucome qui s'était mal passé. Mais il y a d'autres signes de handicap dans le livre. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que En tout cas, les ouvriers de ton enquête, et je ne sais pas si Gilles, tu as pu le voir, toi, dans ton parcours de vie, ne s'identifient pas comme personne handicapée. Enfin, en tout cas, ça n'apparaît pas clairement, il n'y a pas d'identification à la catégorie. Et nous, c'est une question qui nous intéresse beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer, au sein de notre programme, l'identification ou pas à la catégorie du handicap. Je pense que tout le monde n'a pas la même perception. Il y a des personnes qui sont. Alors, si je suis dans un fauteuil roulant, je veux dire, ça, personne ne se pose la question. Je suis de fait travailleur handicapé, même si Son handicap peut être limité dans le temps parce qu'il fait suite, par exemple, à une opération de la hanche ou une opération du genou, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a aujourd'hui encore une crainte. Alors, c'est peut-être un peu plus difficile à comprendre pour des retraités qui, a priori, ne sont plus amenés à travailler, sauf que dans la catégorie des affreux retraités, tous très riches, tous propriétaires, tous, enfin, qui partent tous les 15 jours au Portugal, acheter des tomates parce qu'elles coûtent moins cher. La réalité, c'est que les retraités ne sont pas aussi favorisés que ça, ne sont pas aussi mieux traités que ça. Et il y en a, ce qu'il faut intégrer aussi, c'est que comme on n'est plus amené à travailler, on a peut-être un peu plus de difficultés à reconnaître notre difficulté. C'est-à-dire de dire, voilà, bah, je peux plus faire ça. Donc en fait, on met ça sur le dos de l'âge. Mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup plus de demandeurs d'emploi, parce que souvent ils sont demandeurs d'emploi, qui sont victimes d'un handicap, mais qui c'est pas un handicap de naissance. Si ma mémoire est bonne, on peut être à 60% de handicap lié à des accidents, alors soit de la vie, soit du travail. Donc, après, il y a une crainte aussi, une crainte ou un abandon. Il y a des salariés aujourd'hui. Alors moi, j'ai un exemple là. Il y a 15 jours, j'ai reçu quelqu'un sur une permanence. Il se trouve que c'est un salarié. C'était un salarié du conseil départemental du Jura qui a été arrêté pendant quasiment 3 ans. Dans les dispositifs qui sont mis en place au niveau du département du Jura, normalement, la hiérarchie et les RH doivent informer le salarié de la possibilité de consulter des représentants du personnel ou la médecine du travail, mais tout ça, ça n'a pas été fait. Alors certes, le salarié a une part de responsabilité, puisque officiellement, nul ne peut ignorer la loi, même si il ne s'agit pas textuellement de loi, mais le travail qui est offert aux représentants syndicaux n'a pas non plus été exécuté. Donc le salarié est isolé du fait de son statut de salarié malade dans un premier temps. Personne ne rentre en contact. Alors, on va me dire, oui, mais il y a le lien de subordination qui est réputé ne plus exister. Donc, c'est vrai que si le chef appelle en disant, salut, j'ai un compte de tes nouvelles, ça va être suspect. Mais il y a tous ces aspects où on a une méconnaissance de la situation et une non-reconnaissance par l'individu aussi de sa situation de travailleur handicapé ou de retraité handicapé. Après, moi, je vois dans le Jura, c'est peut-être spécifique. Enfin, je pense que dans le Doubs, c'est pareil, mais l'habitat n'est pas le même. Il y a beaucoup d'habitats où on était dans la famille, donc on reste dans la ferme. Donc les questions qui se posent, c'est comment est-ce que je peux adapter mon hébergement à la réalité de ma situation physique? J'aurais tendance à dire que, par exemple, en Île-de-France, les gens sont peut-être un peu moins maltraités parce que la construction, si elle n'intègre pas déjà le statut de travailleur d'handicapé, donc avec toutes les difficultés de mobilité, c'est quand même plus facile que de réaménager la vieille ferme pour mettre ne serait-ce qu'une douche à l'italienne, des choses comme ça. Non, mais J'ai pas c'est. complètement répondu à la question, mais. Non, mais si, je trouve que c'est très intéressant et nous, ça nous offre aussi d'autres regards et d'autres perceptions sur ces sujets et ces thématiques qui traversent notre programme. Et donc, je suis ravie de t'avoir invité, Gilles. Tu t'es beaucoup dévalorisé au début de ta prise de parole, alors que je trouve que Julie et Nicolas sont d'accord pour dire qu'au contraire, c'est très intéressant et ça fait écho à des enjeux qui traversent à nouveau l'ouvrage de Nicolas. Et j'avais regardé du côté du Jura parce que j'avais vu que c'était limitrophe aussi du Doubs et donc que sociologiquement il y avait des thématiques enfin et des croisements communs. Donc je Il y a vous. une petite chose, Oui? un petit point historique. Quand Nicolas évoque la grève de 89 dans le Doubs, à Sochaux, un des éléments forts de notre histoire de la CFDT sur le Jura, c'est aussi lié à une activité qui se déroulait à Besançon. C'est le conflit chez l'IP qui a mobilisé énormément de monde et aujourd'hui, c'est notre point commun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus à la CFDT parce qu'il y avait eu le conflit LIP et qui ont adhéré à la CFDT. Il y a eu, comment dire, quelques tensions entre la CGT, LIP et la CFDT de chez LIP. Aujourd'hui, ces tensions, alors, on va dire, disparaissent faute de combattants. Parce qu'il y a aussi une perte de souvenirs, mais c'est un gros conflit qui, pour nous, a été aussi rattaché à l'entreprise Magyar. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise qui fait dans la construction de véhicules de chantier, si ma mémoire est bonne, et qui est sur Dole. Et c'est là où la première section CFDT a été créée, de salariés actifs a été créée, c'était à peu près la même période que l'ITU. Tu vois, le parallèle, il est encore plus là, l'effet miroir, il est encore plus présent entre la bande de 89 dans le Doubs et la bande de 89 dans le Jura. Donc, je vous remercie pour vos réponses à ces questions. Afin de prolonger un petit peu la discussion, je souhaiterais vous poser à toutes et tous quelques questions transverses. Donc, sentez-vous libre de rebondir les uns les autres. Donc, dans un premier temps, on a beaucoup parlé d'engagement tout au long de la vie et le titre Jusqu'au bout qui est illustré en jaune sur la couverture du livre de Nicolas insiste là-dessus. Donc, qu'est-ce qui aide ou au contraire freine sa poursuite une fois à la retraite aujourd'hui en 2025, selon vous? Ben, je peux Vas-y, commencer Nicolas. et comme ça j'en profiterai pour faire écho à ce qu'ont pu dire Gilles ou Julie. Ben, la première chose que j'ai pas dite et qui est super importante, c'est que j'enquête auprès de personnes du troisième âge. Je n'enquête pas auprès de personnes du quatrième âge. Il y a juste Lily qui apparaît à un moment donné, qui a l'âge et la condition physique qui va avec. Et ça, c'est le premier élément, quoi. C'est-à-dire que l'âge fait que l'avancée en âge et la hausse de la dépendance, voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé les discussions sur des registres très différents. Je pense qu'un élément qu'a apporté Julie, sur lequel elle a beaucoup insisté, est central. C'est sur le caractère haché des carrières aujourd'hui. Et l'exceptionnalité en ce sens des enquêtés que j'ai rencontrés. J'ai beaucoup pensé à la fois en écoutant Julie, j'ai repensé à Castel et la déstabilisation des stables, et aussi au très bel article de Beau et Pialoux dans La misère du monde, permanent et temporaire. Parce que c'est un papier qui date de 93, qui se focalise sur les ouvriers de Sochaux-Montbéliard, mais qui perçoit un truc qui est en train de complètement changer et qui va changer toute notre société. Voilà, il y a les permanents et il y a les temporaires. Et aujourd'hui, les permanents disparaissent. Enfin, ce qu'ils ont été, et les temporaires sont devenus la norme, quoi. Et ça a beaucoup d'écho parce que un autre élément pour enrichir sur la, enfin pour apporter par rapport à ta question, Marie, c'est derrière tout ça et la comparaison avec le cas canadien et derrière la situation en Amérique du Nord nous pousse à voir ça en face, quoi. C'est-à-dire le rôle de l'État. Qui est centrale en France, tout a été organisé autour de cet état social qui s'est mis en place principalement à l'après-guerre, qui est complètement détricoté. Et du coup, comment faire quand cet état devient défaillant? Quand, par exemple, j'aime beaucoup l'ouvrage de ma collègue Clara Deville sur la. J'ai plus le titre en tête, mais c'est en gros en prenant le cas du RSA, de l'accès au RSA sur la catégorie de non-recours, quoi. Et qu'est-ce que la numérisation des services publics fait concrètement? Gilles l'a évoqué, quand on doit reconstituer la carrière avec quelqu'un qu'on a en face de soi, qui a pas toutes ses fiches de paye, qui sait plus où il a été, etc., c'est pas un prof qui a été fonctionnaire toute sa vie, quoi. Et la reconstitution de la retraite, c'est pas la même. Voilà. Et autre chose que je voulais évoquer. Alors, sur la question du permanent et temporaire aussi, c'est pour ça qu'il y a un élément en conclusion sur lequel j'insiste, qui permet de comprendre aussi la différenciation sociale des retraités. C'est la question du capital autochtone. C'est-à-dire que Carrouges, même s'il est né à Cherbourg, il est arrivé qu'à 17 ans et demi à Peugeot, etc., à Sochaux, il a construit sa villa. Quand sa femme est morte, il s'est acheté un mobil-home dans un camping. Pendant quelques années, il a fini par le revendre, quoi, en me disant, ben non, mais Cherbourg, voilà, je revois un peu la famille, mais ma vie, elle est là. Et en fait, cette stabilité, qui était aussi permise par la stabilité de l'emploi, lui a permis de se construire sa villa, et c'est sa force aujourd'hui, parce que dans les milieux populaires, on n'a pas de capital culturel ou peu. On n'a pas de capital économique ou peu, ce qui fait que, ben, en gros, c'est ni des gros indépendants, ni des anciens enseignants ou chercheurs ou autres qui se déplacent avec leurs capitaux. Les classes populaires restent, enfin, voilà, et ça met encore plus le doigt, je trouve, sur le commentaire de Julie sur la déstabilisation des stables, pour le dire. Et puis pour rebondir, enfin, pour finir sur la question du handicap, effectivement, les personnes que j'ai rencontrées ne se plaignent pas, ne veulent pas apparaître comme telles, et ne veulent pas apparaître comme étant faibles. Parce que si on se dit faible, on provoque la déchéance, l'isolement, etc. Par contre, l'accès aux droits est quelque chose de très important. Par exemple, Viviane, que j'ai déjà évoqué, donc je prends toujours le même exemple, comme ça je perds pas tout le monde, mais à partir du moment où, grâce aux copains et copines du syndicat, elle a compris qu'elle avait des droits liés à son handicap, qu'elle pouvait ne pas demander à Christian de l'emmener à Dijon, mais faire appel à un taxi, etc. Enfin, toutes les choses qui vont avec avoir une femme de ménage, etc. Là, elle a commencé à reconnaître son handicap publiquement parce qu'il y avait les droits qui étaient afférents, qui allaient avec. Et puis, alors, juste une petite en réaction à ce que disait Gilles sur les affouages, parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a quand même un fort ethnocentrisme de classe des dominants qui font les lois, qui ne les font pas appliquer, comme l'a dit Gilles. Voilà. Et juste sur la question des affouages, quand j'ai le premier entretien que j'ai fait avec Corouge en 2019, lui, il a une grande nostalgie des affouages tels qu'il les a connus dans les années 90. Pourquoi? Parce qu'il y avait une solidarité, parce qu'il y avait des grands feux, parce que les gens se retrouvaient autour, parce qu'on faisait cuire les saucisses, on buvait de l'agneau, on buvait un café, etc. Les hommes, les femmes et les enfants venaient pour donner la main, pour faire les piles, etc. Et en fait, tout ça, ça a disparu. Alors, ça a disparu parce que la société a évolué, mais ça a disparu aussi pour des questions de normes environnementales qui ont été pensées par en haut. Et par exemple, l'interdiction des grands feux, qui est une norme environnementale logique, c'est-à-dire que l'ONF a mis ça en place parce qu'on s'est rendu compte que les rémanents, donc le haut des branches, vaut mieux les laisser pourrir pour que le sol se régénère, plutôt que de faire des feux, parce que en forêt, on a un peu l'influence des Suisses, on aime les forêts propres, droites, etc. Mais non, une forêt, il faut que ça se régénère. Mais en pensant ça, on n'a pas du tout pensé avec les populations les plus impliquées. C'est-à-dire ces personnes de milieu populaire qui pratiquent les affouages souvent de père en fils, mais pas que, et qui se retrouvent autour des grands feux. Corouge a déjà appelé les secours quand il entendait la tronçonneuse d'un vieux qui était à côté de lui, qui s'était arrêté. Il a dit, c'est pas normal. Il a été voir, le mec avait fait une alerte cardiaque, il était au sol. Et c'est simplement la solidarité implicite qu'il y a quand on fait quelque chose de dangereux. Et avec les normes environnementales, mais aussi avec les normes de danger, Gilles a rappelé que les affouages, c'est dangereux, mais le fait de mettre des casques, eh ben, on n'entend plus ce qui se passe autour, on n'entend plus les tronçonneuses. Donc voilà, cette question des normes environnementales, c'est une autre manière de voir. Il ne s'agit pas de dire que l'écologie, c'est mal, au contraire, il y a un grand danger qui nous guette tous, qui est multifactoriel, et il faut agir ça, mais on ne peut pas agir sans les populations qui sont les principales concernées et qui n'ont pas le capital culturel que nous, militants, chercheurs, etc., on a. Alors, merci. Julie, est-ce que tu peux rebondir également sur cette question que je posais ou sur ce que je viens de dire, ou sur l'affouage ici également, ou peut-être Alors, sur pas? la foi, je reconnaîtrais que je suis beaucoup moins compétente que Nicolas et Gilles, mais voilà, je me garderais bien d'intervenir là-dessus, mais je dois reconnaître aussi que j'ai oublié la question. Parce que C'était très long la voilà, réponse. de Non, dire mais franchement. il n'y a pas de souci. La question, c'était qu'est-ce qui aide ou freine, à ton avis, aujourd'hui, le fait de poursuivre une activité militante à la retraite, mais aujourd'hui, en 2025? Oui, je pense que Gilles en a un petit peu parlé, Nicolas aussi. Je vais revenir sur la question de on n'est absolument pas tous égaux et égales quand on arrive à la retraite, notamment en termes de forme physique, etc., etc. Il y a des écarts qui sont massifs en termes d'espérance de vie, on le sait, mais aussi en termes d'espérance de vie en bonne santé. Et donc là aussi, les personnes qui ont été dans des emplois ouvriers tout au long de leur vie sont nettement plus abîmées par le travail à un niveau physique, mais aussi psychique, que les personnes qui ont été employées dans d'autres configurations de travail. Donc, je pense que ça, déjà, c'est un élément majeur. Et puis, jusqu'à quel point on a été aussi socialisé à l'engagement collectif, à apprendre, à aller fréquenter des associations, faire du bénévolat, etc. Dans les entretiens que moi, je conduis en ce moment avec des personnes qui ont la quarantaine, c'est quelque chose qui revient assez souvent d'avoir envie de faire du bénévolat parce qu'on a aussi l'impression que c'est une espèce de d'attente un peu plaquée sur l'âge, une fois qu'on s'est retiré de l'activité dite productive, mais ça s'improvise pas. Et puis, il y a aussi des effets de est-ce que quand on est passé à la retraite, jusqu'à quel point est-ce qu'il faut aussi aider ses enfants? On connaît le rôle notamment des grands-mères dans la prise en charge et de l'aide à l'articulation des temps de vie de leurs enfants actifs, qui est quand même important. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un tas de paramètres qui entrent en ligne de compte et qui permettent d'engager ou de maintenir l'activité militante et bénévole une fois sortie du monde du travail. Merci beaucoup. Gilles, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette question ou... Moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a une part du militantisme des retraités qui, comment dire, qui arrive avec la retraite. C'est-à-dire que les gens ont peur d'être isolés et donc décident de militer. Alors, soit ils militent, enfin, c'est toutes les formes de militantisme. Ça peut être du militantisme syndical, ça peut être du militantisme politique. Nous, ici, on a deux grosses activités, c'est l'eau en Afrique et les mineurs isolés, les mineurs non accompagnés, pardon. Donc et puis les chorales, ça, on rentre parce qu'on a peur de se retrouver seul. Et puis il y a une difficulté, alors qui est probablement la même que dans le Doubs, mais c'est aussi les kilomètres entre là où on habite, là où on travaillait, parce que quelquefois il y a quand même la distance qui a été prise. Et le besoin ou pas de se retrouver à plusieurs en ayant, en tous les cas, l'impression qu'on va pouvoir partager des sujets communs, qui n'est pas toujours le cas. Et puis, comment dire, un complément par rapport à la foi, vous allez me trouver peut-être un peu obstiné par la foi, mais. Nicolas, je partage complètement ce que vous venez de dire, savoir le casque, les grands feux, mais si les décisions de nos politiques étaient prises après avoir pris connaissance de la réalité du terrain, peut-être qu'on n'en serait pas là. Je te remercie. La foi, j'ai été le fil rouge de cette émission, mais je suis Oui. ravie parce que moi, vraiment, j'ignorais tout de la foi, et je suis ravie qu'on ait pu mettre en lumière cette pratique. Une dernière question, parce que le temps file. Peut-être parce que le livre de Nicolas montre des formes d'entraide, donc très concrètes, quotidiennes. Vraiment, où les gens vieillissent ensemble. Et je voulais vous demander si, selon vous, est-ce qu'on a affaire à une forme de sociabilité donc très locale, très située dans l'histoire, on l'a vu à nouveau, cette sociologie un peu en héritage, et presque exceptionnelle, ou alors c'est un modèle qui peut être transposable ailleurs, dans d'autres départements, au Québec, que sais-je? C'est un peu ma question. Est-ce que c'est juste à la fois beau Pialou et toi, vous êtes arrivés au bon moment, au bon endroit, ou alors vous avez connaissance d'autres jusqu'au boutistes ailleurs en France. Et pareil, je vous laisse Ben, Gilles en a rebondir. évoqué avec l'Élipe et Madjar. Dans les rencontres que j'ai faites, notamment en librairie, j'ai plusieurs fois eu le témoignage de cheminots qui me racontent que pour eux, l'équivalent de la grève de Peugeot de 89, c'est la grande grève de 95. Et j'évoque ça juste pour finir sur une note un peu optimiste, enfin, ou du moins. Par rapport aux logiques de militantisme, etc. C'est-à-dire que je suis complètement Julie quand elle dit que la partialisation des carrières, des entreprises, etc., fait que ce type d'événement, lié à une entreprise, publique ou privée, vu l'état du marché du travail et la manière dont il est organisé, ne peuvent que disparaître petit à petit. Mais c'est l'épilogue du bouquin, c'est-à-dire que quand les grandes grèves, les grandes mobilisations qu'il y a eu contre la réforme des retraites, Certes, ça a été une mobilisation perdante, dans le sens où la réforme est passée en force, mais elle a créé des choses. Ça a été plus de 6 mois de mobilisation, et chez les plus jeunes, chez les quarantenaires du syndicat que j'observais, voilà, les anciens ont dit, ça y est, ils ont eu le mouvement qui leur manquait, ils ont confiance en eux, ils savent prendre un micro, on peut passer la main. Je vous laisse aussi rebondir, hein, Julie, si tu peux. Je ne sais pas si Gilles, vous voulez y aller? Gilles, c'est. Moi, je partage ce que vient de dire Nicolas. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait à un moment de sa carrière, alors on va dire soit en entreprise, soit en tant que militant, faut qu'il y ait un événement qui soit qui réunisse un maximum de personnes au cours duquel on va se construire notre propre histoire. Moi, je me souviens en 95, officiellement, je travaillais Place d'Italie. On faisait des piquets de grève. Moi, j'arrivais à 4 heures du matin, mais je m'étais couché à 2 heures parce que j'avais fait des gâteaux, des terrines, des cakes pour maintenir tout le monde sous pression. Donc voilà, ça fait partie de mon histoire et on est plusieurs comme ça à avoir des moments communs. Après, ça devient difficile quand moi je suis dans le Jura, il y en a qui sont sur Nice, il y en a d'autres qui sont en Bretagne, voilà. Mais on a une part d'histoire en commun et je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut qu'il y ait quelque chose qui. Julie, le mot de la fin. Moi, je vais peut-être élargir un peu en disant que sur la question du vieillir aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de modèles qui sont en train de s'inventer sur comment reconstruire des liens. Je pense par exemple aussi aux personnes gays et lesbiennes qui vieillissent, qui sont sorties de justement ces questions de famille hétéronormée et qui recréent des manières de vieillir ensemble, de repenser la solidarité à travers des liens électifs, qui sont notamment des liens amicaux. Bref, je crois que c'est un certain moment où il y a plein de raisons d'être très pessimiste, mais il y a aussi plein de choses qui sont en train de s'inventer et qui vont être très intéressantes à observer et à vivre dans les années qui viennent. Voilà. Ben c'est super, merci beaucoup. Ça fait écho à la dernière émission que Laure avait aussi animée avec des enjeux intersectionnels en lien avec le vieillissement et le genre. On va s'orienter vers la fin de cette émission. Je vous laisse la parole si vous avez des actualités au sens large de publication. Julie, on peut lancer un appel. Si tu as besoin d'aide au Québec pour trouver des Je suis en enquêtés ou train de pas. finir mon enquête, Ça donc y est, ça y ok, donc est, ça c'est c'est bon. bon. Ben voilà, pas de nouvelles publications, Nicolas, a priori. Alors, puisque on a beaucoup, le fil rouge a été les Gafouage. affouages, j'ai un article apparaître dans la revue Genèse, Sciences sociales et histoire, dans le prochain numéro qui sort en juin, là. Ah, bah donc on pourra mettre Où le j'évoque lien. beaucoup plus précisément les questions traitées dans le bouquin et notamment cette évolution multifactorielle de la fouage. Voilà, c'est super. Julie, pas d'article pour l'instant prévu, pas de publication récente. Ça Non. viendra, mais pas par. Ça J'ai fait viendra plus tard. une. On pourra faire de la publicité pour plus tard. Et Gilles, une actualité à part la critique de la revue d'Antoine de Caunes, vieux. Non, ce n'est pas une critique, c'est un constat. On va dire qu'il y a une forme de concurrence presque déloyale, parce qu'il est plus connu que nous, mais c'est tout. Par C'est contre, vrai. au niveau publication, si vous me laissez un peu de Alors. temps, je peux vous envoyer des exemplaires du numéro spécial qu'on a fait autour du conflit de Lippe. Ah bah avec Je vous les plaisir. envoie à Marie. J'envoie ça à Marie, et puis après, bah, Marie Ok. se charge de Le diffuser. diffuser avec Laure, on se chargera de ça avec plaisir. Et Merci. ben et nous de notre côté, on se retrouvera à la rentrée pour on va renouveler ce format d'émission. Donc c'était notre dernière de l'année. Je suis ravie de vous avoir invité. Je trouve que c'était très intéressant, très riche. Et à nouveau, très important de mettre en lumière cette histoire et l'ensemble de ces histoires. Moi, un livre sur les différentes histoires de grève que vous avez évoquées, je trouve ça fascinant. Ça m'intéresse en tout cas beaucoup. Je vous renvoie à nos réseaux, donc LinkedIn, Blue Sky, notre site, notre newsletter. Tout sera mis en barre d'informations. Et donc, l'émission sera rediffusée ben là, dès qu'on ferme le lien et le sous-titrage sera créé sous peu. Je remercie également les interprètes, donc Johan et Christine, et Marcel à la régie. Et bah, Nicolas, Julie et Gilles, je vous remercie énormément d'avoir participé à cette émission ce soir et ce matin, donc Oui. pour Julie, ce midi pour Julie. Et je vous dis à très bientôt. Merci.